بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala les invocations, donc le sujet des invocations du matin et du soir. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit wa an Abdillah ibn Habib قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. Et donc il dit l'auteur rahimahullah d'après Abdullah ibn Habib qui dit nous sommes sortis donc durant une nuit obscure et pluvieuse, durant une nuit très obscure et pluvieuse, nous cherchons le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il puisse accomplir la prière pour nous. Alors, nous l'avons trouvé. Il a dit, dis. Le prophète qui dit, dis. Alors, je n'ai rien dit. Le narrateur qui nous dit, je n'ai rien dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui redit encore, dis. Le narrateur qui dit, je n'ai rien dit. À ce moment-là, lorsque le prophète m'a dit de dire, je n'ai rien dit. Et ensuite, le prophète qui m'a encore dit une troisième fois, dit. Alors j'ai dit, mais ô messager d'Allah, que dois-je dire? Qu'est-ce que je dois dire? Alors là, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, qul huwa Allahu ahad, ainsi que al-mu'awwidhatayn, les deux dernières sourates du Coran. Donc là, ça nous fait les trois dernières sourates du Coran. Lorsque tu te trouves à l'aube, et lorsque tu te trouves, donc, lorsque tu te trouves en soirée et à l'aube, tu dis cela trois fois, ceci te suffira contre toute chose. Tu dis cela trois fois, cela te suffira contre toute chose. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, avec une bonne chaîne de transmission. Et donc ces trois sourates, barakallahu fikoum, elles sont la cause d'éloigner le serviteur de tout mal. Elles permettent aux serviteurs de s'éloigner de tout mal. Et on a déjà vu l'importance de réciter ces trois sourates à l'aube et en soirée. L'auteur qui continue, rahimahullah, il nous dit « Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana yu'allimu ashabahu yakul, idha asbaha ahadukum falyakul, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilayka an-nushur. » وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده عند أبي داود وابن ماجه صحيح. Et donc l'auteur qui nous dit, et d'après Abu Huraira رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons le fait de dire, il enseignait à ses compagnons en disant, lorsque l'un d'entre vous se trouve à l'aube, alors qu'ils disent Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ô Allah, c'est par toi que nous nous trouvons à l'aube et par toi que nous nous trouvons en soirée, wa bika nahya wa bika namut, et c'est par toi que nous vivons, et c'est par toi que nous mourons, et c'est vers toi que nous retournerons rassemblés. Et lorsqu'il se trouve en soirée, donc là c'est l'inverse, il va dire, ô Seigneur, par toi nous nous trouvons en soirée, et par toi nous nous trouvons à l'aube, wabika nahya, wabika namut, et c'est par toi que nous vivons, et par toi que nous mourons, wa ilayka al-masir, et c'est vers toi que nous retournerons. Et donc hadith rapporté par Abu Daoud, l'auteur qui cite plusieurs recueils dans lesquels on peut trouver le livre, le hadith et il précise que la chaîne de transmission chez Abi Daoud et Ibn Majah est authentique. Et donc le serviteur, il va affirmer que tout ce qui le concerne dépend d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vie, la mort, que tu te trouves à l'aube, que tu te trouves en soirée. En fait, le serviteur va affirmer la parfaite donc seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, que c'est lui le seigneur, c'est lui qui gère tout. Et donc le serviteur, lorsqu'il se trouve à l'aube, c'est par Allah. Lorsqu'il se trouve en soirée, c'est par Allah. Sa vie, sa mort dépendent d'Allah. Et donc le serviteur va faire ce rappel et il se rappelle qu'il retournera vers Allah tabaraka wa ta'ala pour le jugement et donc qu'il doit obéir à son Seigneur. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala fait du serviteur ce qu'il veut. Mais le serviteur, quant à lui, il lui est demandé d'obéir à son Seigneur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans son livre, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux dont, lorsqu'un mal les touche, ils disent, certes, nous appartenons à Allah, et certes, c'est vers lui que nous retournerons. Et donc, nous appartenons à Allah, il fait ce qu'il veut de nous. Et c'est vers lui que nous retournerons. Nous devons donc nous préparer pour ce retour, pour ce jugement, et donc nous devons lui obéir. Tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, l'auteur qui dit, rahimahullah, wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu, أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. Et donc d'après Abu Huraira رضي الله عنه que Abu Bakr رضي الله عنه Abu Bakr الصديق il a dit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ordonne-moi de prononcer des paroles que je dirai à l'aube et en soirée. Donne-moi des paroles que je peux prononcer, des paroles qui me sont profitables. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, قُلْ اللَّهُمَّ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr en disant, dis ô Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent, Seigneur de toutes choses et Maître de toutes choses, j'atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors de toi. J'implore ta protection contre le mal de mon âme et le mal du shaitan ainsi que son polythéisme. Et j'implore ta protection contre le fait que je me fasse du mal à moi-même ou que je fasse du mal ou que le mal donc puisse toucher un musulman. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Abu Bakr, prononce ces paroles lorsque tu te trouves à l'aube, en soirée, et lorsque tu t'installes sur donc al-madji', l'endroit où tu vas dormir, le lit. Rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Wal-Bukhari, donc dans le livre Al-Adab al-Mufrad, Bi-Isnadin Sahih, le cheikh qui nous dit avec une chaîne de transmission authentique, Wahed al-Lafzu Ahmed, Wal-Bukhari. Et ceci, les termes qui ont été cités sont des termes qui sont dans le recueil de Ahmed et Al-Bukhari. Et donc cette invocation, Barakallahu Fikum, il y a dans cette invocation le fait que le serviteur, il implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal. Cependant, avant d'implorer la protection contre le mal, le serviteur fait attention à son comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il va donc faire les éloges de son Seigneur, citer ses caractéristiques grandioses, et parmi ces caractéristiques, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Et donc le serviteur qui est faible, il a besoin de son créateur. Et certes, dans les mauvaises choses, dans le mal, il y a des choses qui sont apparentes et des choses qui sont cachées, dont le serviteur ne peut les connaître. Et donc le serviteur va avoir besoin de son Seigneur, celui qui connaît ce qui est apparent et ce qui est caché, dont on ne peut rien lui cacher dans les cieux et sur la terre. Et donc le serviteur va faire les éloges de son Seigneur en stipulant cela, le fait qu'il est celui qui connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Puis le serviteur va donc affirmer l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et puis le serviteur, après cela, il implore la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, contre le mal de sa propre personne, contre le mal du diable et de son shirk, de son polythéisme. Et Shaitan, il appelle l'être humain au polythéisme. De là où l'être humain ne s'y attend pas. Et donc il est important qu'on se réfugie auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre cet ennemi déclaré. Et donc l'être humain, il doit chercher à purifier son âme par l'accomplissement des bonnes œuvres et le fait de délaisser les mauvaises actions. Et il doit faire face au diable par le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, le serviteur, dans tout cela, dans le fait d'accomplir de bonnes actions, de délaisser les mauvaises actions, de faire face à Shaitan, s'opposer au diable, le serviteur, il a besoin qu'Allah lui accorde la réussite. Car il ne peut pas faire ça tout seul. Faire des bonnes actions, délaisser les mauvaises actions, s'opposer au diable, le serviteur a besoin qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la réussite. Et donc, d'où l'importance, barakallahu fikoum, de beaucoup invoquer tous les jours. Et le serviteur donc va donc implorer la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, contre le mal qui peut le toucher. Hein? Le mal qui peut le toucher par sa cause à lui, ou le mal qui va toucher les autres par sa cause à lui. Car le serviteur veut pour lui-même ce qu'il veut pour ses frères. Ensuite, l'auteur qui nous cite un autre hadith, et qui nous dit, « An Uthman ibn Affan » رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث صحيح L'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Othman ibn Affan, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucun serviteur qui, lorsqu'il se trouve à l'aube, tous les jours ou en soirée, et qui dise, par le nom d'Allah, bismillah, par le nom d'Allah, celui dont aucun mal n'atteint par son nom sur terre ni dans les cieux, et il est l'audient, l'omniscient. Celui qui dit cela trois fois, alors aucun mal ne le touchera. Rapporté par l'imam Ahmed al-Tirmidhi ibn Majah, et al-Tirmidhi qui dit que le hadith est authentique, et le Cheikh ibn Bez qui commente ici en disant, et certes le hadith est comme l'a dit al-Tirmidhi, il est authentique. Et donc, le serviteur, lorsqu'il dit Bismillah, c'est-à-dire par Allah astaïz, par Allah, donc j'implore la protection. Le musulman a des ennemis qui rusent contre lui, des ennemis qu'il connaît et des ennemis qu'il ne connaît pas. Le musulman a besoin de la protection de celui qui est Sami'u, Al-Alimu. L'audient, l'omniscient, celui qui connaît tout et qui entend tout. Afin qu'il le protège contre ses ennemis qu'il ne connaît pas et dont il ne sait pas ce qu'il prépare contre lui. Et certes, il a été cité d'après Al-Qurtubi. Al-Qurtubi qui dit, concernant cette invocation, هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ وَقَالٌ صَادِقٌ عُلِّمْنَاهُ دَلِيلَهُ دَلِيلًا وَتَجْرِبَةً فَإِنِّي مُنْذُ مَا سَمِعْتُهُ عَلِمْتُ بِهِ عَمِلْتُ بِهِ فَلَمْ يَدُرَّنِي شَيْءٌ إِلَىٰ أَنْ تَرَكْتُهُ فَلَادَغَتْنِي عَقْرَبُ بِالْمَدِينَةِ لَيْلًا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. Et donc Al-Qurtubi rahimahullah, il dit ce khabar, c'est-à-dire cette information qui est citée dans ce hadith, est authentique et c'est une parole véridique. Nous l'avons su en nous basant sur sa preuve. La preuve, donc, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi en nous basant sur le vécu. Car certes, depuis que j'ai entendu ce hadith, j'ai œuvré avec et aucun mal ne m'a touché jusqu'à ce que je l'ai délaissé. Et à ce moment-là, un scorpion m'a piqué à Médine durant une nuit. J'ai réfléchi. Et c'est alors que je me suis rappelé que j'avais oublié d'invoquer la protection d'Allah par ces quelques paroles. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse des causes, ô chers frères, pour nous préserver du mal qui peut nous toucher dans nos maisons, au travail, dans nos véhicules, à la mosquée ou ailleurs. Nous devons invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit « وَعَنْ ثَوْبَانِ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ مَا مِنْ عَمْدٍ مُسْلِمٍ يَكُولُ حِينَ يُزْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن وهذا لفظ أحمد لكنه لم يسم ثوبان وسماه الترمذي في روايته وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. Et donc l'auteur qui nous dit, et d'après Thawban, qui était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun serviteur musulman ne va dire, lorsqu'il se trouve à l'aube et en soirée trois fois, aucun serviteur ne va dire, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, et je suis satisfait de l'islam comme religion, et je suis satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, sans que ceci, donc, sans que ce serviteur ne mérite qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de lui au jour de la résurrection, rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Ibn Majah avec une chaîne de transmission correcte. Et donc, et ici l'auteur qui a aussi cité d'autres recueils. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit « وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة نصحيح مسلم d'après أبو سعيد الخدري رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, le paradis lui est obligatoire. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الإمام مسلم a aussi cité dans son صحيح, dans son recueil, d'après العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, aura goûté le délice de la foi, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et donc c'est un hadith qu'on a entendu, barakallahu fikum, c'est un hadith et cette invocation il y a dans cela la rétribution, le fait que la rétribution est du même genre que l'œuvre. La rétribution est du même genre que l'œuvre. Tu es satisfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme Seigneur. Tu es satisfait de l'islam comme religion. Tu es satisfait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Ta rétribution est qu'Allah soit satisfait de toi. La rétribution est du même genre que l'œuvre. Ta rétribution est le paradis. Et donc, ô chers frères, il est important qu'on applique cela. Et c'est ainsi que barakallahu fikoum étaient les compagnons du messager d'Allah. Ils étaient satisfaits d'Allah comme Seigneur. Satisfaits de l'islam comme religion. Ça veut dire quoi satisfaits de l'islam comme religion? Ça veut dire quoi satisfaits d'Allah comme Seigneur? Ils ne vont adorer que lui. Ils vont placer leur confiance en lui. Ils ne vont pas placer leur confiance dans les moments difficiles, hein, en des sujets, en des causes mondaines, etc. Ils vont faire les causes mondaines, mais ils placent leur confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi le fait d'être satisfait de l'islam comme religion? Ils vont se soumettre pleinement à cette religion, puisqu'il en est satisfait. Certaines personnes vont rejeter certains sujets de l'islam. Ils ne vont pas être satisfaits de ces sujets-là. Et donc tu dois te soumettre, tu dois rentrer pleinement dans la religion et ne pas prendre la religion pour un marché où tu choisis ce que tu veux. Voilà ce que c'est que être satisfait de l'islam comme religion. Celui qui est satisfait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, il va le suivre, il va le croire, il va lui obéir. Il ne va pas choisir, ah ça je prends ça du prophète, ça je prends pas, ça je prends, soit ça je prends pas. Je préfère faire comme ça, etc., etc. Non, tu es satisfait du prophète Mohammed sallallahu, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et ceci est la voix des sahaba, ceux du paradis. Ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le paradis leur est accordé. Il dit, wassabiqoun. Al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar, les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, ceux qui ont suivi les compagnons de la meilleure des façons. Quelle est leur caractéristique? Radiyallahu anhum wa radu'an, ils sont satisfaits d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Ils sont satisfaits des décrets religieux d'Allah. Ils ont accepté l'islam. Ils sont satisfaits des décrets universels d'Allah, de tout ce qu'Allah a décrété pour eux, de tout ce qu'Allah leur a accordé ici-bas. Ils sont satisfaits de tout cela. Et donc, quelle est leur rétribution? C'est qu'Allah soit satisfait d'eux. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Et certes, Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. Zalika al-fawzul azim. Ceci est la réussite grandiose. Et donc, oui, tu vas prononcer ces invocations, ces quelques paroles. Raditu billahi rabban. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Je suis satisfait de l'islam comme religion. Et je suis satisfait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Oui, tu vas prononcer ces quelques paroles matin et soir. Mais applique. Applique. Cela est très important. Nous devons appliquer. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.